Alors effectivement, merci beaucoup Madame la Présidente, merci beaucoup aux organisateurs et surtout à Yvan Loskoutov qui me permet de parler ce matin. Vous avez vu que j'ai simplifié mon titre, peut-être plus un titre plus grandiose si je puis dire, qui rend véritablement honneur au roi. Je vais effectivement vous parler du manuscrit de Saint-Omer. Je vous donne tout de suite son titre, Médaille de Louis le Grand, parallèle des deux livres de l'Académie avec les carrés. Je ne pouvais pas ne pas évoquer évidemment la figure de Joseph Jacquiot, et je le rappelle pour les plus jeunes d'entre nous, mais elle a été conservateur au Comité des médailles pendant plusieurs décennies, une grande spécialiste de la médaille française, et elle a publié il y a exactement 50 ans, en 68, un autre anniversaire pour 68, un travail d'érudition monumentale, hein, son médaille et jeton de Louis XIV après le manuscrit de Londres. Alors, plus que la simple publication de ce manuscrit de la British Library sur le projet d'histoire métallique de Louis XIV, ce travail se voulait une somme, évidemment, sur la conception des médailles du roi. Joseph Jacquiot y rassembla donc tous les documents disponibles, travail d'autant plus nécessaire qu'elle préparait dans le même temps son exposition sur la médaille de Louis XIV à Monnaie de Paris, qui a eu lieu en 70, et vous avez là sur l'ouvrage de 68 le carton d'invitation pour le vernissage, hein, qui reprend l'esquisse que vous a montré James Mosley, issue du manuscrit de Londres. Et à la page 69 de l'introduction générale de son ouvrage de 68, Joseph Jacquiot signale un manuscrit qui est conservé à Saint-Omer. Et le catalogue de 70 garde le souvenir de son exposition. Et elle donne le titre, hein, celui que j'ai mis dans le titre de mon diaporama, « Médaille de Louis le Grand, parallèle des deux livres de l'Académie avec les carrés » et donc la date de 1728. Elle signale aussi dans cette note et dans le catalogue d'exposition son intention de publier ce manuscrit. Un projet qui ne fut jamais réalisé, hein, nous le savons. Et donc depuis près de 50 ans, aucune autre publication, je crois, ne mentionne plus ce parallèle que Joseph Jacquiot et les visiteurs de l'exposition de 70 semblent être les seuls à avoir connu. De quoi puis-je donc vous parler ce matin, me direz-vous ? Eh bien, de la bonne fée Joseph Jacquiot, qui avait pris soin de photographier ce manuscrit. Ces photos argentiques sont encore dans la boîte Kodak, posées sur une étagère dans les archives ayant survécu à la mort de Joseph Jacquiot en 1995, des archives qui sont aujourd'hui conservées au musée qu'elle avait fondé elle-même à Montgeron, ville dont elle avait été maire de 1945 à 1947 à la sortie de la guerre. Ces photographies sont en noir et blanc, sont évidemment précieuses aussi, puisqu'elles nous laissent entrevoir la manière dont on pouvait travailler à cette époque-là, puisque Joseph Jacquiot n'hésitait pas évidemment à découper ces photographies. Alors, quel intérêt peut avoir ce manuscrit si Joseph Jacquiot n'a pas jugé finalement opportun de le publier ? Alors, c'est une question que je me suis posée, mais seulement après avoir proposé cette communication à M. Loskoutov. Alors, vous me pardonnerez, j'en suis certain, cette entremetière un petit peu longue, d'autant plus volontiers que le manuscrit original existe toujours. Il est conservé à Saint-Omer, au musée de la ville, sur le rayonnage numismatique de la bibliothèque interne du musée, donc à côté des quatre volumes de 68 et à côté du catalogue de l'exposition de 70. Et à l'intérieur de l'ouvrage, ou du manuscrit plus exactement, figure le cartel qui garde le souvenir de l'exposition du manuscrit à Paris. La reliure en vaut aux armes du roi de cette in quarto a souffert, mais elle a rempli son office puisque les pages du volume sont intactes. Elle laisse découvrir le titre, la page de titre du manuscrit, Médaille de Louis le Grand, parallèle des deux livres de l'Académie avec les carrés, hein, vous le connaîtrez par cœur à la fin de ma présentation, avec la date 1728 et le lieu de rédaction de ce manuscrit à la Monnaie des médailles. Ce manuscrit provient d'un legs fait à la ville de Saint-Omer en 1884, legs effectué par Louis-Eugène d'Herbécourt, un Parisien qui demeurait à Paris, où il exerçait comme architecte. Il décède sans descendance dans son appartement rue d'Ulm le 23 décembre 1884. Et ce d'Herbécourt a prévu de léguer ses peintures, ses dessins, sa collection égyptienne, ses médailles de bronze, des faïences et 900 livres, parmi lesquels donc ce manuscrit, à la ville de Saint-Omer. Et la municipalité de Saint-Omer, dès sa réception du legs, se propose de diviser cette collection, de supprimer la cohérence de cette collection. Les objets iront au musée et les livres et le manuscrit iront à la bibliothèque. Alors, Louis XIV à Saint-Omer, ce n'est pas nouveau, hein, pardonnerez ce trait d'humour, mais alors pourquoi ce manuscrit à Saint-Omer, que fait-il à Saint-Omer ? L'attachement à la ville est le fait de François-Adrien d'Herbécourt, le père de Louis Eugène. C'était lui le curieux, hein, qui était à l'origine de la collection, une collection très éclectique qu'il transmet à son fils, et peut-être est-ce lui-même d'ailleurs qui a acheté le manuscrit à Paris au début du XVIIIe siècle. Ce François-Adrien est négociant et il s'installe à plus de 50 ans à Saint-Omer en 1825 comme en tant que marchand-brasseur. Et nous trouvons d'ailleurs parmi les manuscrits de sa collection des traductions de sa main de traités anglais sur le brassage de la bière. Alors, le manuscrit des médailles de Louis XIV, donc, je vous l'ai dit, est aujourd'hui conservé au musée, tout à fait par accident en réalité, parce que je vous ai dit que les objets étaient destinés au musée et les livres à la bibliothèque. Et il se trouve que pendant, au début du XXe siècle, une période que je n'ai pas pu déterminer encore, un des conservateurs du musée a pris le manuscrit pour travailler vraisemblablement et n'a jamais ramené l'ouvrage à la bibliothèque. Donc il est au musée aujourd'hui, mais la bibliothèque municipale était ravie d'apprendre que le manuscrit n'avait pas complètement disparu, hein, c'est de ma faute. Donc, dans quelques semaines, dans quelques mois, il retournera à la bibliothèque. Alors, rentrons un peu dans le détail de ce manuscrit. Je vous ai ici, vous avez sous les yeux le magnifique contreplat particulièrement coloré, hein, qui protège la page de titre. Et derrière cette page de titre, une série de 7 portraits de Louis XIV qui sont dessinés à l'encre et au lavis gris. Vous avez ici le détail de ces portraits du roi, hein, de ces têtes, enfin de ces portraits en médaille évidemment du roi. Puis suivent 79 folios où sont présentées les médailles. En grand format, les médailles de 1723. En petit, celles de 1702. Des médailles de papier, si je puis dire, puisque ce sont des médailles découpées, hein, puis collées dans des cadres dessinés à l'encre. Et un titre et des annotations manuscrites, toujours à l'encre, viennent compléter le dispositif. Et enfin, chaque folio est numéroté au recto par un système de lettres. Après cette présentation en images des médailles, une deuxième section du manuscrit reproduit les mêmes données sous la forme d'une table. Une nouvelle page de titre vient présenter cette nouvelle section, hein, avec un titre extrêmement long, un très beau titre 18e. Poinçon et carré des médailles de Louis le Grand avec tous les changements à faire suivant le nouveau livre ou table du parallèle des deux livres de l'Académie. Et c'est le titre que j'avais donné à ma communication puisque c'était le seul titre que j'avais pu trouver dans les photographies donc de Joseph Jacquiot avant que je puisse retrouver le manuscrit. Voici ce qu'est cette table. Le sujet de la médaille sert de signe d'identification. Hein, sont indiqués tous les changements à faire. Puis on précise, hop là, ici on verra mieux, le lieu de rangement des poinçons et des carrés, donc dans des glaces et donc dans des armoires, et à l'intérieur de ces armoires, sur quelle tablette se trouvent les outils. Un lieu de rangement, enfin le lieu de rangement se trouve dans un cabinet à la monnaie des médailles, évidemment. Le manuscrit se clôt par une très belle ornementation, un très très grand fleuron, une très très belle confrontation en tout cas, du vieux roi, hein, de Louis XIV et de Louis XV, qui est à l'origine de la publication de 1723. Et enfin, l'on répète l'année de rédaction de ce manuscrit, 1728, et le lieu, hein, Paris. Toutefois, le nom du rédacteur de ce manuscrit a été volontairement gratté sur la page de titre « J'y reviendrai ». Alors, quel est le propos de ce manuscrit ? Eh bien, le texte de l'avertissement, qui est rédigé à l'intérieur du manuscrit, est tout à fait explicite. Le parallèle que l'on fait ici de ces deux livres servira à connaître la situation présente des poinçons et des carrés de cette histoire métallique et rendre insensiblement toute cette suite de médailles semblables et conformes au dernier livre de l'Académie. Ce document est donc un moyen de connaître l'état de la collection d'outils servant à réaliser les médailles de Louis XIV et un moyen de mesure de l'avancement de la traduction dans le métal de l'édition du livre de 1723. Donc je vous l'ai dit, la monnaie des médailles est l'institution qui est à l'origine de ce manuscrit, la page de titre le rappelle. Sa rédaction a été terminée en 1728, immédiatement donc après la mort de Nicolas Delaunay, son directeur depuis 1696. Son gendre, Jules Robert de Cotte, hérite en survivance de l'office de directeur. Cotte est associé à son beau-père depuis les années 1710. En 1713, par exemple, c'est lui qui supplée Launay dans la présentation des cachets qu'il avait fait graver pour le contrôleur général des finances. Cotte obtient un brevet, d'ailleurs, qui entérine cette collaboration en octobre 1722, un brevet royal, et il remplace de plus en plus régulièrement Launay à la fin de sa vie. C'est particulièrement visible dans les quittances qu'il donne aux médailleurs, où l'on voit la signature de Cotte remplacer progressivement celle du vieux Launay qui est malade. Le vieux Launay, malgré tout, avait pris soin de former son gendre. Depuis que son gendre est à ses côtés, il a le souci de lui transmettre une institution en bonne santé. Et ainsi, dès 1721, il rédige un petit mémoire pour la régie du bureau de la monnaie des médailles pour l'avenir. C'est le titre du mémoire. Et Cotte, à l'intérieur de ce mémoire de 21, est déjà cité comme son successeur. Et en réalité, quand on regarde les archives, on comprend que c'est Cotte qui dirige de facto la monnaie des médailles dès 1726. Il connaît donc parfaitement l'administration de la monnaie des médailles, et le parallèle qui a été rédigé, donc le manuscrit qui a été rédigé, doit donc être lu comme le compte-rendu de l'action conjointe de Launay et de Cotte auprès du duc d'Antin, le directeur général des bâtiments du roi. Le duc d'Antin qui avait supervisé la création de l'ouvrage de 1723 et qui demeurait très attentif à la réalisation des médailles. Launay étant mort en 1727, il revenait à Cotte de mener à bien ce travail, et je fais l'hypothèse que le nom gratté sur la page du titre soit justement celui de Launay lui-même qui venait de mourir. On devine ici un N suivi d'un point. Ici, impossible à lire. Ensuite, un E et IT. Alors, bon, je fais l'hypothèse que ce soit la signature de Launay, ou en tout cas le souvenir de la décision de Launay de faire réaliser ce manuscrit. Venons-en donc au détail de ce bilan de l'action de Launay et de Cotte en regardant de plus près ce manuscrit. Vous voyez, sur chaque folio, quatre médailles sont ordonnées à l'intérieur d'un cadre, une transposition en livre, vous l'aurez compris, d'un tiroir de médaillés. L'objet, la raison même du manuscrit se comprend immédiatement, faire la comparaison ou le parallèle entre le livre de 1702 et la nouvelle version. Et un moyen très ingénieux a été trouvé pour mener à bien cette comparaison. Pour la médaille de 1702, on a découpé l'édition in quarto des médailles de Louis le Grand, qui illustre les médailles dans leur taille réelle de 41 mm, tandis que la médaille version 1723 est issue d'un volume in folio. Et ce jeu d'échelle doit permettre de mesurer d'abord les différences dans le dessin des médailles, de mesurer plus facilement, en tout cas, la différence dans le dessin des médailles. Un exemple parmi d'autres, sur la médaille de la prise de train et du pont de Sture, dans la version 2702, vous voyez cette allégorie féminine là de Sture qui disparaît dans la version 2700, 1723. Plus spectaculaire encore, le changement de dessin de la médaille de la Régence d'Anne d'Autriche, et autre changement radical dans cette médaille, l'inscription. Et vous voyez, est-ce que c'est visible à l'écran? Oui. Un lavis de couleur jaune vient signaler dans tout le manuscrit ce type de changement. C'est donc un outil visuel extrêmement efficace dont dispose le directeur de la monnaie des médailles pour gérer la création de la nouvelle série métallique. L'avertissement du manuscrit résume de manière très très synthétique le détail des modifications qui sont survenues après la réforme qui a suivi 1702. 8 carrés sont supprimés. Leur suppression s'explique soit, et là je vous ai mis la phrase en bas, oui, soit qu'on ait réuni plusieurs sujets ensemble, soit que quelques-uns aient paru peu considérables. Ce peu considérable étant un euphémisme pour parler des revers militaires de la fin du règne. Le texte de l'avertissement annonce 318 médailles pour l'histoire de Louis XIV. Au terme de cette réforme, 83 sont semblables dans l'une ou l'autre édition, 43 carrés ont déjà été refaits ou augmentés, c'est-à-dire modifiés sous le règne de Delaunay, et 192 sont encore à refaire pour rectifier les types, les légendes et les exergues. Soit 235 médailles qui doivent subir des changements, soit plus de 80% des médailles de l'édition de 1702. Une réécriture qui semble tout à fait énorme. Mais le manuscrit de Saint-Omer, confirme une chose que nous savions déjà, hein, la série de 1723 est une histoire métallique inachevée. Contrairement à celle de 1702, le livre de 1723 précède les médailles. Launay, je vous remets le texte, est chargé de produire des médailles semblables et conformes au dernier livre de l'Académie. Alors, cela n'empêche pas, évidemment, les échanges entre la monnaie des médailles et la petite Académie, et ce travail de traduction, de transposition, débute en effet dès 1713. Dans son journal, Nicolas Delaunay relate qu'il a engagé les travaux de remplacement de certains coins dès cette date. Et en étudiant le manuscrit de Saint-Omer, il est possible de comprendre le processus de traduction et connaître les médailles qui ont été effectivement créées. Et le choix de Delaunay a d'abord été strictement chronologique, c'est-à-dire qu'il s'est contenté de modifier les 13 premières médailles de l'édition de 1702. Et avec la disparition des grands graveurs comme Jean Mauger et Thomas Bernard dans ces années-là, Nicolas Delaunay confie la nouvelle série de coins à des graveurs que cette première génération avait formés. C'est ainsi que Jean Dolin a été le premier sollicité pour réaliser ces transformations, suppléé par Reugue, puis remplacé par Duvivier, nous le savons, mais c'est à Jean Leblanc à qui revient la charge de créer la plus grande partie de la nouvelle histoire métallique. Bon, pour le moment, on connaît pour le moment une trentaine de médailles de sa main, et il résulte de ce rapide décomptage que la création de nouvelles médailles de Louis XIV s'est poursuivie au moins jusqu'en 1736. Et ce, en respectant un certain partage des tâches, visiblement, entre un Leblanc qui œuvre essentiellement pour Louis XIV et Duvivier Hereux qui se consacre plutôt aux médailles de Louis XV. Launay et Cotte ont dû donc opérer des choix. Écrire l'histoire en marge de Louis XV et remplacer au compte-gouttes certains épisodes de l'histoire de Louis XIV. J'ai mentionné plus haut que l'édition de 1723 voyait près de 80% des médailles modifiées. Mais en réalité, la plupart des modifications requises par le livre sont tout à fait mineures et ne concernent que la date de l'exergue qui, de manière systématique, est développée plus longuement, une espèce d'idée d'uniformité dont Léa Gagnon nous parlera cet après-midi. On peut observer que les carrés qui sont refaits sont tout d'abord ceux dont le dessin de la médaille change fondamentalement pour l'édition suivante. Et très très vite, Nicolas Delaunay renonce à une traduction qui respecterait l'ordre du livre pour justement se concentrer sur ces médailles dont le dessin diffère de manière plus radicale. C'est le cas par exemple de la médaille sur la gauche, de la médaille du canal des deux mers. Vous voyez ici qu'on a rajouté le char de Neptune. Et outre le dessin, est transformé aussi l'inscription. La même chose pour la médaille et pour la boue, sur les boues, pardon, et les lanternes, où le dessin est légèrement modifié, et de la même manière, les inscriptions sont grandement réécrites par les académiciens. Et sur le même folio de ces médailles, donc là, on retrouve la médaille de la boue et la médaille du canal des deux mers, et bien vous voyez que les deux autres médailles qui ne devaient subir que des changements de date extrêmement mineurs, hein, n'ont jamais été traduites en coin. Enfin, le coin n'a jamais été créé. Enfin, ce que le manuscrit appelle les carrés semblables entre les deux éditions, eh bien, évidemment, n'ont pas suscité le besoin de nouveaux outils. Hein, c'est le cas pour la médaille de la paix avec la Savoie et la médaille de la prise d'Ivrée, hein, qui est une ville du Piémont, donc une ville de Savoie. Point donc de grande révolution dans la connaissance des médailles de Louis XIV que ce manuscrit de Saint-Omer, mais peut-être le plus surprenant sont les portraits de Louis XIV, les portraits dessinés de Louis XIV, placés en introduction de ce manuscrit. Et en toute logique, ce sont ces portraits des différents âges du roi, donc encore une fois placés en introduction du manuscrit, qui aurait dû être destiné à servir de tête, hein, pour les médailles. Or, vous vous rendez compte que ces portraits ne sont pas ceux de la série uniforme, hein, ce sont les portraits de la série royale. Alors, pourquoi ce choix? Pensait-on changer les portraits de 1702 pour reprendre les portraits de la série royale, je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé la solution. Ça, je laisse le téléphone sonner, je peux boire un verre. Merci. Je voudrais revenir un instant sur le titre de la seconde section du manuscrit, Poinçon et carré. Puisque vous l'avez compris, c'est le sujet de ce manuscrit. On parle très peu de médailles. On parle toujours de poinçons et de carrés. On parle des outils. Hein, c'est ce qui occupe la monnaie des médailles. C'est ce qui demande le plus de labeur. C'est ce qui coûte le plus cher à produire aussi, hein, ces outils. Le manuscrit, je l'ai dit, est un outil de gestion de cette grande masse d'objets, hein, que sont les poinçons et les carrés, hein, donc qui servent à fabriquer les médailles. La table de la fin du manuscrit devait indiquer l'emplacement de ces objets dans leur glace et dans leur tablette. Je vous ai mis le texte de l'avertissement. Donc, la glace et la tablette, où ils sont placés? Dans le cabinet, c'est-à-dire dans la monnaie des médailles. Nicolas Delaunay avait fait créer, j'en reparlerai tout de suite, un cabinet où sont donc entreposés, rangés, conservés ces outils. Et Nicolas Delaunay avait grand soin de contrôler tous les poinçons et carrés, hein, destinés à produire les médailles du roi. L'existence de ce cabinet, une espèce de centralisation de ces outils, pourrait laisser croire que tous les carrés qui existent en France y ont été conservés. Alors, les archives montrent une réalité peut-être un peu moins nette, un peu plus fluide en tout cas. Les graveurs peuvent effectivement parfois garder chez eux les poinçons qu'ils avaient créés. C'est le cas de Thomas Bernard, par exemple. Et à sa mort, Nicolas Delaunay obtient sans difficulté de la veuve du roi, de la veuve du graveur, l'intégration de ces poinçons dans le cabinet de la monnaie des médailles, quand bien même les médailles de Bernard n'auraient pas concernait directement le roi ou n'aurait pas été commandé par le roi. Et je vous ai mis ici un exemple de la médaille de Charles Lebrun par Thomas Bernard qui était commandé par Lebrun et qui se trouve rapatrié, pour ne pas dire saisi, par Launay et qui est aujourd'hui conservé par la monnaie de Paris. Alors tous ces carrés, tous ces poinçons, oui c'est très sombre, je suis désolé, mais je n'ai pas pu aller au musée de Caen où est conservé ce tableau qui représente Nicolas Delaunay et sa famille dans son cabinet, prendre une belle photo. Alors je crois que j'ai mis un détail ensuite. tableau qui représente donc Nicolas Delaunay et sa famille dans son cabinet, dans son appartement à l'intérieur, dans son appartement du Louvre, pardon, où il avait fait créer un cabinet où il conservait tous ses poinçons et tous ses carrés. Le cabinet est indiqué dans les guides de Paris comme tout à fait digne de la plus grande curiosité. Alors, je vous mets la phrase, je vous lis la phrase. Le cabinet en forme de galerie, que l'on appelle improprement le cabinet des médailles, est dans son genre tout ce qu'il y a de plus curieux au monde. Car sans parler de la menuiserie, des glaces, des bronzes et des portraits de la famille royale, depuis Henri IV dont il est orné, on y voit un nombre prodigieux de poinçons et de carrés, d'un travail admirable qui en coûtait plus de 2 millions. Ils sont exposés dans des armoires à panneaux de glace où les curieux les voient à leur aise sans risquer d'en ternir le poli. Ce cabinet demeure dans son décor 1700, dans son état 1700, encore pendant un siècle, jusqu'après le dernier directeur de la monnaie des médailles, Jules-François de Cotte, petit-fils de Jules-Robert de Cotte. Et ce cabinet a été transféré ensuite en l'état, semble-t-il, entre 1806 et 1808 à la Monnaie de Paris, de l'autre côté de la Seine. Un document de la fin du XVIIIe siècle montre que ce cabinet des poinçons et des carrés de Delaunay avait subi très peu de changements et donne une idée assez précise de ce que pouvait être le lieu. 10 portraits, dans leur cadre doré, étaient accrochés sous les tentures cramoisies des murs. Des portraits de Louis XIII, du duc de Bourgogne, de Louis XIV, de Philippe V, d'Henri IV, je respecte l'ordre du manuscrit, hein, c'est pas moi qui mélange la chronologie, de Monsieur, frère de Louis XIV, du régent, du dauphin, fils de Louis XIV, du duc de Berry et de Gaston d'Orléans. À côté de ces portraits, 8 médaillons en marbre blanc figurant des empereurs romains. Diverses porcelaines et sculptures que l'on devine là en haut en haut des vitrines, un lustre de cristal, 4 canapés et 10 tabourets en damas vert avec leur housse en serge vert qui permettent de recevoir les curieux qui viennent voir derrière 108 glaces, donc 108 armoires vitrées, les poinçons. Le texte du dictionnaire Histoire de la ville de Paris, encore une fois, est encore une fois un témoignage tout à fait précieux dans la connaissance de ce dispositif. On y parle donc de ces glaces, de ces armoires à panneaux de glace où les curieux les voient à leur aise sans risquer d'en ternir le poli. Des objets en vitrine, donc, pour permettre une bonne présentation, en vitrine transparente, en glace transparente, pour permettre une bonne présentation et assurer leur conservation. Voilà un dispositif en 1700 tout à fait nouveau, je crois, qui témoigne aussi du souci de conservation qu'on leur porte. Et pour la petite histoire, les autorités de tutelle de la monnaie donc de Paris au début du XIXe siècle reprochent beaucoup aux gardiens des carrés durant la Révolution de ne pas en avoir pris suffisamment soin. Et faute est de constater pour ces autorités qu'en 1806, les coins de Louis XIV sont complètement rouillés, ce qui explique la piètre qualité de la série uniforme en or qui a été frappée pour le cabinet des médailles après le vol de 1831 à partir de ces coins rouillés. Alors, en définitive, ce manuscrit du parallèle offre un éclairage sur la fortune des médailles de Louis XIV dans la première moitié du XVIIIe siècle. Je vous ai mis la dernière médaille du parallèle, qui est celle qui rend hommage, enfin, qui est plus exactement, qui est un hommage de Louis XV à Louis XIV, qui rappelle la volonté de Louis XV de poursuivre l'histoire métallique de son aïeul, une idée qui n'empêche pas Louis XV de faire détruire le cabinet des médailles de Versailles et de faire transférer ses collections à Paris. L'histoire métallique de Louis XIV se termine en 1736, je vous ai donné la date tout à l'heure, date de la dernière commande pour un carré de la série de 1723. Et 1736, c'est aussi la date de la mort du duc d'Antin. Donc le directeur général des bâtiments du roi, proche de Louis XIV, qui avait commandé l'édition de 1723 et qui avait beaucoup fait pour les médailles du roi. Et son successeur, Philibert Horry, qui était aussi contrôleur général des finances, a visiblement choisi d'affecter les crédits de la monarchie à la gloire de Louis XV et non plus désormais à celui qui était devenu un très vieux roi. Et pour terminer, je rappellerai simplement que le début du XVIIIe siècle, hein, pour dédouaner un petit peu Louis XV de son désintérêt finalement pour les médailles de son aïeul, je rappellerai que les usages de la médaille tendent à changer, à se transformer en tout cas au cours du XVIIIe siècle. Les histoires métalliques en livres se multiplient en Europe, nous l'avons très bien vu durant ces jours derniers, sur un modèle largement Louis XIVien, mais beaucoup d'entre elles, en tout cas un certain nombre d'entre elles, restent à l'état de papier, ou plutôt, devrais-je dire, n'ont été probablement conçues que pour être des histoires métalliques de papier. Le parallèle montre bien que l'objet médaille devient secondaire, hein, c'est le livre qui prime. C'est le livre, c'est l'histoire littéraire qui transmet, qui importe désormais. Et j'en veux pour preuve les histoires de France du XVIIIe siècle. Ici, un exemple parmi d'autres. En 1751, l'abbé Lambert publie, dans son histoire littéraire du règne de Louis XIV, un abrégé chronologique de l'histoire civile et militaire de Louis XIV par des médailles. C'est très bien écrit dans le texte. Justement, il n'y a que le texte, il n'y a aucune image, aucune médaille. Simplement, le texte fidèlement reproduit de l'édition de 1722. Tout ça pour vous montrer que finalement, ce sont les gens de la petite académie qui ont gagné, malgré tout, le souhait de Louis XIV de les faire disparaître de sa préface. Voilà. Je vous remercie.